Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, na kumisi yo, yolo biko nangai Moli mo nangai, eko kumisa yo Ma bando nangai, eko netola yo Ya solo, yo zalindambe Liko lwa bandambe, gaina kumisi yo Zali nzambe monene Moyo kilo sambo nangai zali yo nzambe Zali Adonai Rafa, l'éternel Dieu qui me guérit de toutes mes maladies Tika komona yo neto la manalo yengo nangai yawe Libela, libela Oza ne banderite, oza pe na suka te yawe nangai Alleluia De ma vie, le salut de perdu, tu es mon vrai soutien. D'où Jésus, j'entre dans tes parvis, me prosternant devant toi, rependant tout mon cœur. Grand et puissant, tout genou fléchira, toute langue confessera. Ta Seigneur y a jamais Saint, Saint, Saint Assis sur ton trône Laisse-moi t'adorer Laisse-moi t'élever Yahweh Nanga Yo konama nanani poeto zalanzambe Ata kobato wa kumisi yote Ma bange kokiko tombo la kombo na yo Monene na yo lo lenge nini nzambe Tikete kombo na yo buli sambo Nabomoi nangai, poete yozali mokeli nangai, opesi pema nabomoi, sekele ya motema nangai Yahweh, alléluia. Bien aimé au travers de ces chants, je te demanderai peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le temps, sache que notre Dieu est omniprésent et esprit. Seulement ouvre ta bouche et dites-lui quelque chose en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il est pour toi, alléluia. Soki ezali ngolu na yo te papa Pona nini yawe na netola yo te na mukona lelo yawe na ngai Naleki na nini bae bamoni mukola lelo te yawe Yonso ezali se ngolu na yo Yambalo yembo na ngai Yangonde li bonza nkolo Nanzane lo kwa kopesa yo te Uolo pe palate ezali ya yo Kombo na yo kumisa malibena na libela na bomoi na ngai Zambe monene Angelo manabomo yangai Adonai Shama Dambe na mawa Dambe na nguya Nyoso